ranger mon petit repère. J'ai compris que j'étais murgé. Maintenant je sombre dans la conscience. Mon sang vient de la reine de rein. Je passe de la vie à l'absence, sans rien sentir.